Le porte-parole de la direction du Nord du comité d'enquête spéciale pan-national pour l'éclaircissement de la vérité des crimes des troupiers américains a lancé le 9 un entretien. Voici le résumé. Le 9 juillet est le 50e anniversaire de la conclusion de l'accord d'administration sud-coréen-américain de nature humiliante et inégale par la bande des traîtres de Park Chung-hee en dépit des protestations unanimes de la population sud-coréenne. Mis en vigueur en 1966, cet accord légifère l'occupation de la Corée du Sud par les troupiers américains, attribue le privilège illimité aux GIs dans tous les secteurs comme le droit de procès criminel et l'usage des terres et installations, et livre entièrement la souveraineté de la Corée du Sud aux États-Unis. C'est vraiment une convention d'esclaves contemporaine et un document traître honteux jamais vu dans le monde. En fait, ces 50 dernières années, en vertu de cet accord, les troupiers américains se conduisent comme gouvernants réels, occupants et créatures extraterritoriales, en causant tous les malheurs et souffrances aux Sud-Coréens. C'est la raison pour laquelle que tous les arbitraires et crimes féroces des troupiers américains commis en Corée du Sud sont le produit tragique de l'occupation de la Corée du Sud par les impérialistes américains et de l'accord d'administration. L'accord d'administration américano-sud-coréen est un dossier traître sans précédent, confirmant que la Corée du Sud est purement et simplement la colonie des États-Unis, un dossier servile médiéval légiférant l'arbitraire et le diktat illimité, le meurtre et le pillage des Yankees assassins et le foyer de tous les maux en Corée du Sud. Malgré tout cela, la bande de Park Geun-hye protège activement cet accord et paye les impôts de sang incommensurables pour quémander l'occupation éternelle des troupiers américains en Corée du Sud et se fait la troupe de choc des simulacres de guerre nucléaire des États-Unis en proie à la confrontation avec les compatriotes. Les États-Unis qui ont divisé en deux la péninsule coréenne et imposent pendant plus de 70 ans les malheurs et souffrances à la nation coréenne doivent voir correctement la position stratégique de notre République, devenue puissance nucléaire de l'Orient et le courant de l'époque, abandonner leur politique d'hostilité anachronique envers la Corée et retirer tout de suite leurs militaires de la Corée du Sud. Que la population sud-coréenne sache correctement que la vie d'esclave coloniale sous les bottes des forces étrangères n'est rien d'autre que l'asservissement et la mort lamentable et s'engage avec courage dans le combat sacré anti-américain pan-national pour mettre un terme une fois pour toutes à l'occupation de la Corée du Sud par les troupiers américains, ennemis jurés de la nation coréenne.